tombé dans ses bras un soir. Tu avais passé ta soirée à fumer et à boire. Il était beau comme un mannequin, et plus fort comme un turc. Peut-être était-ce un mannequin turc, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Le lendemain, tu m'as appelé, tu m'as tout raconté, j'ai beaucoup pleuré, je m'en souviens. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Ouais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Ouais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir. En plus, je crois qu'il n'était pas en état de te faire ce que tu voulais ce soir. Puis tu le sais, personne ne le fera jamais aussi bien que moi. Quand je t'aimais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais, j'aimerais, ouais, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Ouais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. À quoi t'as pensé ce soir, oui, et t'as dit la dame.